The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Stressed out. Stressé. Interview. L'entretien. To relax. Se détendre. Everything. Tout. To happen. Se passer. In. En. Good luck with that. Bon courage. Now, a bit faster. To relax. Se détendre. Good luck with that. Bon courage. Stressed out. Stressé. To happen. Se passer. Stressed out. Stressé. Good luck with that. Bon courage. To happen. Se passer. Interview. L'entretien. To happen. Se passer. Everything. Tout. To happen. Se passer. In. En. Everything. Tout. Now, use the words in context. Stressé. I am stressed out. Je suis stressé. L'entretien. He doesn't have any interviews at the moment. Il n'a pas d'entretien pour le moment. Se détendre. I need to relax. J'ai besoin de me détendre. Se passer. Everything is going to be all right. Tout va bien se passer. Tout. Everything is complicated. Tout est compliqué. Stressé. I am stressed out. Je suis stressé. L'entretien. He doesn't have any interviews at the moment. Il n'a pas d'entretien pour le moment. Tout. Everything is complicated. Tout est compliqué.